Lettre d'intention de l'auteur. Mes chers amis, une journée commence. Je recherche l'inspiration et je ne sais pas si je parviendrai à écrire la moindre ligne. Peu importe, j'attends. J'attends que me viennent les mots et je m'accroche désespérément à mon seul trésor, les 26 lettres de l'alphabet qui me permettront de dessiner un nom, un verbe ou autre chose. Perdu dans mes pensées, je me surprends alors à rêver. À la manière de Dany Laferrière, je rêve que le mot « pluie » se change en pluie ou que le mot « papillon » s'envole. Hélas, ma feuille reste vierge. Soudain, un mot arrive. Aussitôt, je m'enthousiasme et le griffonne rapidement sur la page blanche. Un autre vient, je le rajoute, et encore un, puis un autre, jusqu'à obtenir ainsi une vingtaine de phrases qui forme déjà un paragraphe. Euphorique, j'enferme ces mots à double tour dans mon carnet et je vais prendre une douche afin d'être à l'heure à mon travail. Par expérience, je le sais, demain sera un autre jour et l'encre doit se reposer. Le lendemain matin, j'ouvre à nouveau mon carnet. Je me relis. Je modifie quelques mots, effectue deux ou trois corrections, applique une multitude de ratures et, pour finir, je barre tout. Le mot pluie ne s'est pas changé en pluie et le papillon ne s'est pas envolé. Aujourd'hui encore, il me faudra attendre. J'écris parce que je crois à une paix possible entre tous les hommes. Un respect mutuel de nos croyances, à la noblesse d'âme poussant certains humains à protéger les plus démunis, ainsi qu'aux moments de partage qui enrichissent nos cœurs. Bref, je crois définitivement à ce qui nous relie. Que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, nos peines sont similaires, nos joies identiques, et nous souhaitons tous vivre le bonheur plutôt qu'une vie de détresse. Personne ne vient de son plein gré vider les poubelles à Paris et personne ne décide volontairement d'habiter sous des bombes. Aucun homme ne choisit sa misère. On la lui impose. Lorsque la peur des autres disparaît, lorsque les jugements hâtifs cessent et que les barrières des petits profits personnels s'estompent, alors nous parlons tous la même langue, celle du cœur. Cela amène parfois d'étranges réactions. Un morceau de pain coupé en deux pour l'offrir en partage, une épaule donnée en soutien, une embrassade chaleureuse ou bien encore une larme ruisselante sur un visage. C'est dans ces moments-là que, à mon sens, l'homme honore pleinement son humanité. Les élans du cœur ne connaissent ni peur, ni ambition ou colère. Et quels que soient les discours, je ne crois pas une seule seconde que des gens apeuré ou en colère, puisse créer un monde pacifique. Voilà pourquoi je suis à la recherche de l'encre du cœur plutôt qu'une autre. Vous qui avez ouvert ce livre, soyez-en remerciés. Si un seul de mes mots s'envole et vous touche en plein cœur, alors j'aurai fait ma part. Puissiez-vous à votre tour et à votre manière toucher quelqu'un d'autre afin que des tonnes d'impact de ce type se propage sur toute la planète. Peut-être finiront-ils un jour par remplacer ceux des bombes.